Vous êtes toujours sur Radio Cayenne, il est 21h26. On était en train de parler un petit peu de situation et de lutte autour des questions d'exil à Rennes tout à l'heure. Et là, maintenant, on va parler de ce qui se passe en ce moment à Nantes. Du coup, comme je disais, je pense que ça a échappé à peu d'entre vous l'information de la mort de Oumar au gymnase. Donc, pour rappel, peut-être. Il y a quelque chose comme 800 personnes qui sont entassées dans un gymnase désaffecté, occupé déjà depuis des mois et des mois à Saint-Herblain, en périphérie de Nantes. Ouais, depuis plus d'un an, c'est ça exactement. Ils ont passé l'hiver dernier dans ce gymnase, cet été aussi. Au début, il y avait un peu moins de monde, mais ça s'est très vite rempli. Et. Bah, c'est compliqué quoi, enfin, c'est une situation terrible là-bas. Non seulement effectivement les gens sont entassés, mais en plus il n'y a pas assez de place dans le bâtiment même. Du coup il y a aussi des cabanes et des tentes sur tout l'extérieur. Il y a de l'insalubrité, il y a très peu de sanitaire en fait là-bas, les gens peuvent pas vraiment cuisiner. Du coup non seulement les gens sont entassés sans vraiment avoir de matelas, mais en plus, comme c'est excentré, c'est difficile d'avoir accès à l'aide alimentaire, etc. Donc, ils ont à peu près un repas par jour, sachant que c'est l'autre cantine qui livre les repas. Et ils livrent 300 repas par jour. S'ils sont 800, vous imaginez bien que tout le monde ne peut pas vraiment manger tous les jours. Voilà. Il y a des gens vulnérables aussi dans ce gymnase, hein. Bien sûr, il y a aussi des enfants, des gens malades, des femmes enceintes par exemple aussi. Bref, des mineurs aussi, etc. Il y a plein de gens pourtant qui sont en situation régulière, qui sont en demande d'asile ou même qui ont obtenu le statut de réfugié mais qui juste n'arrivent pas à se loger. Il y en a d'autres aussi qui sont en situation irrégulière, bien évidemment. Il y a plein de gens de nationalités très différentes et voilà en fait... Le fait qu'il y ait beaucoup de personnes, on va dire, en situation d'exil à la rue à Nantes, c'est pas nouveau. Ça fait des années que ça dure. Des années qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui sont à la rue, dans des conditions terribles. Et que rien ou presque n'est fait pour les aider, à part de la part de certaines militants, militantes. Donc voilà. Bref, ça c'était pour resituer vite fait le contexte. Et donc dans ce gymnase, le 3, donc c'était jeudi dernier, il y a une personne qui est décédée, il s'appelait Oumar Tahir, il avait 30 ans, il était tchadien, peut-être je vous lis un bout ou la totalité de l'article de West France qui explique qui était Oumar, mais bon. Enfin bref, voilà, il est mort sous sa tente de, on ne sait pas trop quoi, un syndrome d'asphyxie selon l'autopsie pour l'instant. On ne sait pas trop encore à quoi c'est dû. En tout cas, voilà, c'est une chose est sûre, c'est que s'il n'avait pas vécu dans ces conditions déplorables, il ne serait probablement pas mort. Et du coup, suite à sa mort, forcément, les gens qui l'ont découvert mort le matin ont... appelé les pompiers, les secours. Les pompiers sont arrivés, sauf que d'habitude, voilà, quand on appelle les pompiers, des fois, il y a une voiture de flic qui vient avec aussi pour constater, etc. Sauf que là, c'était pas une voiture, en fait, c'était je sais pas combien de quarts de CRS, peut-être une centaine de CRS, enfin de CRS, de policiers, qui sont venus en même temps que les pompiers, et du coup, ça a créé des fortes tensions, parce que forcément, il n'y a pas besoin d'autant de flics pour venir constater un décès. Et en plus, les flics étaient, je ne sais pas comment dire, mais ils étaient très intrusifs, quoi. Ils voulaient voir le corps, ils voulaient tout constater, etc. Alors que la police judiciaire soit obligée de le faire, ça, c'est normal. Voilà, que les pompiers soient là, c'est normal. Mais avec autant d'effectifs et d'insistance... sans expliquer, prendre le temps d'expliquer bien aux gens, etc. Forcément, ça a créé des grosses tensions, sachant que Bah, les gens qui vivaient avec Omar, ils étaient en deuil, quoi. Ils étaient sous le choc. Ils avaient besoin et envie de prendre le temps de rendre hommage à leurs copains et juste aussi leurs cohabitants, etc. Ils avaient aussi commencé, enfin, un peu des rituels à faire ou quoi. Enfin, voilà. Enfin, comme quand quelqu'un meurt, enfin, c'est normal, quoi, de respecter un peu le deuil des gens. Leur rituel et puis de laisser le temps aux gens de, je sais pas quoi, de dire au revoir ou quoi. Et du coup, bah, c'était un peu compliqué. Bon, le corps a fini par être emporté à la morgue, etc. Même à la morgue, il y avait un cordon de policiers pour empêcher des gens de venir, enfin, d'accompagner le corps jusqu'à l'autopsie. Enfin, c'était assez fou, quoi. Un peu, enfin, ça a fait penser à plein de gens, à un peu aussi ce qui se passe quand il y a des morts par la police dans les quartiers, quoi, et que tout est fait pour que ça aille vite, pour que le corps soit emporté, que la famille ait pas le temps de. En tout cas, des trucs qui rappellent un peu un statut vraiment de colonisation, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais voyez, un peu. C'est surfliqué et on est plus dans le contrôle des populations là visées ou je sais pas quoi, plus que dans un truc de respect humain et qu'on n'imagine pas. Enfin, on imagine que si ça avait été quelqu'un d'une famille bien blanche qui meurt et qu'il y a autant de keufs qui se ramènent, etc., forcément les gens se seraient énervés de ouf, auraient jamais supporté un truc comme ça. Et les flics, ils auraient obéi en fait. Ils se seraient barrés. Donc là, ça n'a pas été le cas, hein. Les gens se sont énervés. Il y a eu du coup des feux de poubelle qui ont été allumés en face du gymnase, quoi. En fait, il y a eu des sortes de barricades de poubelles enflammées qui ont été mises en place. Et du coup, les gens étaient énervés. Ils voulaient pas que les policiers s'approchent, en fait. Ils voulaient pas que les policiers s'approchent. Ils étaient en colère parce enfin, ils estimaient qu'il y avait du manque de respect. Et aussi, ils étaient en colère, une colère tout à fait légitime en plus de ça, la colère de vivre dans ces conditions-là. Et de savoir qu'en fait, ça fait des mois et des mois que les gens disent, on peut pas vivre comme ça, en fait. On peut pas vivre dans ces conditions-là, en fait. Là, c'est la preuve, en fait. Il y a un mort, quoi. Il y a un mort. Et en fait, bah oui, les gens, ils ont envie de le crier, ils ont envie de dire, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible, là. En fait, ça y est, quoi. Le point de non-retour, là, il est atteint, en fait. C'est pas possible. Vous pouvez pas. Enfin, voilà, et on crève, là. On est en train de crever. C'est ça qui se passe, quoi. Du coup, les gens sont hyper en colère. Hyper triste, hyper désespéré. Bref, en tout cas, ils montent des barricades, il y a du feu, et forcément, il y a les pompiers qui interviennent, la police qui intervient. Et c'est hallucinant, quoi. Enfin, on peut comprendre la rage des gens, on peut comprendre non seulement ils sont en deuil et il y a tous ces flics qui se ramènent, c'est abusé, mais en plus de ça, effectivement, ils sont dans une colère légitime et un désespoir concret, mais. On peut comprendre ça et malgré tout, en fait, l'État commandite l'intervention des forces de l'ordre, mais pas n'importe comment, quoi. Enfin, il y avait la BAC, la CDI et ces connards, voilà, je vais le dire, ces connards, ils ont balancé non seulement les lacrymos, mais aussi les grenades désencerclantes, les flashballs sur les exilés, quoi, qui voulaient juste, en fait, bah, exprimer leur colère et leur tristesse, quoi. Et donc voilà ce qui s'est passé en fait. Il y a des gens, on leur a balancé du flashball et des désencerclantes dessus. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont endeuillés et en colère, quoi. Super. Bref, enfin voilà. Ça s'est passé à peu près deux fois en fait. Il y a eu deux fois ça. Enfin, il y a eu un feu d'allumé. Les flics, voilà, les pompiers l'ont éteint. Les flics ont tiré des grenades, des flashballs. Et après, ils se sont retirés quand le feu a été éteint, tout ça. Et ensuite, bah, les gens. Enfin, ça, y a eu des moments un peu plus calmes, etc. Et puis ça a recommencé, ça a repris feu. Et du coup, les flics sont réintervenus. Et cette fois-ci, ils sont allés jusque dans le gymnase, quoi. Ils sont rentrés sur le site. Faut dire qu'il y avait la BAC qui était postée sur un des balcons juste en face du gymnase. Enfin, pas juste en face, juste à côté, sur la maison d'à côté du gymnase, et qui du coup bah, était en surplomb en fait et visait les gens au LBD quoi. Et du coup cette deuxième intervention, ils sont rentrés dans le gymnase et ils ont arrêté une personne a priori qui passera pour jet de projectile. Donc voilà, ils ont honte de rien, même un jour de deuil en fait ils font des arrestations et ils vont poursuivre les gens pour jet de projectile quoi, ils sont sérieux quoi. Donc, bon, voilà, on est tous hyper dégoûtés, hyper choqués, en fait, de la situation. On l'était déjà avant, mais là, je sais pas comment dire, quoi. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment la goutte d'eau, quoi, je pense, aussi. Les gens sont outrés, quoi, outrés, en fait, de voir ce qui se passe. Mais bon, bref, voilà, suite à cette affaire, ça a réveillé un tout petit peu les médias, les gens politiques et tout ça. Bref, la mairie et tout, et la préfecture, ils ont dit qu'ils feraient des efforts pour au moins reloger les gens qui sont dans des situations de fragilité extrême, machin. Ils ont tous pointé du doigt l'État qui a été alerté à de maintes reprises depuis des mois et qui fait rien. Oui, bon, après, ils aiment bien se plaindre et faire croire que c'est pas eux les responsables. Mais en vrai, c'est qui a de l'argent et du pouvoir pour remédier à ça, quoi? C'est qui peut le plus remuer ciel et terre, en fait, pour que ces gens y soient logés, nourris, soignés? Bah voilà. La réponse, elle est pas compliquée. C'est sûr qu'ils ont ce pouvoir-là, même s'ils n'ont pas les budgets attribués, que c'est censé être l'État qui fait, gna gna gna. Oui, bah ils ont quand même plus de pouvoir que nous de contraindre l'État et de faire quelque chose. Du coup, ce soir, tout à l'heure, il y avait un rassemblement d'hommage à Oumar. Du coup, une marche qui est partie du gymnase jusqu'à la préfecture. Il y avait une cinquantaine de personnes. Et les gens ont fait cette longue marche en criant et chantant justice pour Oumar. Voilà, on aimerait bien que leur message soit entendu. Et on aimerait bien que les gens arrêtent de mourir dans des conditions aussi atroces et à cause de conditions aussi atroces, à Nantes comme ailleurs. Du coup, je vais juste, pour terminer, effectivement, vous lire le petit article de Ouest France qui raconte un peu qui était Oumar. Alors voilà, c'est Ouest France, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Bon, ce sera une façon de rendre hommage, je ne sais pas si elle est correcte, mais voilà. Du coup... Le demandeur d'asile retrouvé mort à Saint-Herblain jeudi 3 octobre avait quitté le Tchad en 2014. Son cousin Mohamed revient sur le parcours de cet homme de 30 ans qui avait deux enfants. Décédé à Saint-Herblain le 3 octobre, Omar Tahir est né à Khartoum, capitale du Soudan, et il a vécu à Tiné, un village situé à la frontière entre le Tchad et le Soudan, avec sa femme et leurs deux enfants, une fille et un garçon de 12 et 8 ans et demi. C'est loin d'eux, dans la métropole nantaise, que le cœur de cet homme de 30 ans a cessé de battre suite à un syndrome d'asphyxie, selon les médecins légistes. Le Tchad, son pays, il l'avait quitté en 2014. Son cousin Mohamed, qui dort lui aussi au gymnase Jeanne Bernard, avait alors traversé la frontière avec lui pour rejoindre la Libye. Au Tchad, on avait fait l'objet de menaces, se souvient le jeune homme. Omar avait été accusé par le gouvernement tchadien d'appartenir à un groupe de rebelles. Et il avait été emprisonné pendant 2 ans. Après, on a été obligé de fuir. Là-bas, le migrant avait aussi fondé une famille et passé 4 ans à étudier les langues à l'université entre deux matchs de volley-ball. Il a tout laissé derrière lui. Après avoir passé quelques semaines en Libye, les deux cousins sont arrivés en Italie. Mohamed y a obtenu un titre de séjour valable 5 ans. Omar, lui, a poursuivi sa route. L'un de ses frères vit en France à Lyon. Et des amis se trouvaient à Nantes. Il serait arrivé en France il y a un peu plus d'un an. Au gymnase, plusieurs exilés disent que cet homme demandeur d'asile dormait dans cet immense squat depuis 8 mois. Omar, visage rond et souriant, s'y montrait rigolo, selon plusieurs jeunes gens rencontrés sur place. Il se tenait à l'écart des conflits, il était gentil aussi. Xavier Brunier, diacre responsable de la solidarité au diocèse de Nantes, était venu le voir dans sa cabane. Il y a 10 jours. Il voulait absolument me servir un coca, mais je n'aime pas ça, se souvient-il dans un sourire triste. Il était visiblement inconcevable pour lui de m'accueillir sans m'offrir quelque chose. Ces derniers mois, pourtant, son cousin s'inquiétait de le voir boire un peu trop, parfois. Mais il allait mieux depuis quelque temps, assure une citoyenne engagée qui l'avait vu la veille de sa mort. Mercredi 2 octobre, pourtant, Omar s'est plaint de douleur au ventre, selon certains. C'est vrai qu'il n'avait pas l'air d'aller bien, se rappelle cette femme, la gorge nouée. Il est décédé quelques heures plus tard, au milieu de la nuit, dans une tente plantée au pied d'une cabane, bricolée avec des planches et des bâches à l'entrée du site. Lui et moi, on rêvait de partir en Angleterre. Omar voulait enseigner, souffle Mohamed. On n'en pouvait plus de vivre ici, dans cette merde. On n'avait pas d'autre choix que de fuir encore. Ce vendredi 4 octobre, tous demandent à Mohamed si une marche ou une manifestation sera organisée pour Omar. Le jeune homme n'y est pas opposé. Mais il ne sait pas encore. Il est fatigué. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Bon, je sais que c'est pas la joie, mais on va quand même se mettre une petite musique et puis on enchaînera sur des choses encore pas joyeuses qui se passent en Grèce. Et du coup, ce que vous allez écouter, c'est une chanson issue d'un des ateliers rap qui avait eu lieu au château occupé en 2017. Donc ça date de décembre 2017. Un atelier rap qui avait été fait avec les exilés au château occupé. Je vous laisse avec ça. Tout est compliqué, ça revient cliché. Quand je t'ai rencontré, j'ai tout de suite compris que ma vie de bébé était terminée. Et cette méchanceté, je l'ai observée. Des gens haut placés n'osent même pas se bouger, par peur d'être jugés. Et toi, tout là-haut, on a beau le crier, tu vas trébucher, d'où viens pas pleurer. Qu'il soit Camerounais, même Sénégalais, tu n'as pas de pitié, moi je les défendrai, c'est ça l'amitié. C'est ça l'amitié, frère, ouais. Mobilisation, le mot d'ordre, freestyle sans thème ni loi ni ordre. J'écris par besoin passionnel, pour une cause noble, obligée, je me dois de l'être, fusionnel avec la bande sonore. Un mic, un but et quelques esprits s'animent dès lors. La fausse vie ici, piétine le vice, pour mieux voir émerger ta frimousse, frère. L'histoire que tu vis ici, ne leur en dis pas trop là-bas, car si on a brisé les cales, c'est pas pour finir décalé par l'état sur une barre qui chavire. Alors je mets du cœur à l'ouvrage, comme mes acolytes, ici jusqu'en manif, ici jusqu'en manif, ouais. De l'Ouest. A tout périple, un autre, à toujours on gagnera la fin. La fin justifie les moyens de se projeter au lendemain. Cette nouvelle heure de punk à chaque, on enseignera à tes gamins. Viendra de ce monde où bien certains t'entendront la main. Le monde a ses disciples avec mouton en tête de liste. Un pays d'origine avec un blaze nationaliste. Rechercher les problèmes au sein d'une grosse bande de fascistes. Résoudre ses soucis avec sa team full anarchiste. C'est pas facile. C'est pas facile, l'aventure n'est pas facile, l'aventure n'est pas facile. Et je suis arrivé à l'Europe, ils croyaient que c'était facile. Aujourd'hui je dors dans l'université avec les squats. J'ai laissé ma belle maison, ma belle voiture au pays en croyant qu'il arrive ici, ça va bien se passer. Aujourd'hui je dors dans l'université, dans les squats. Maintenant je mange une fois par jour. Je croyais que l'Europe c'était pas comme cela. Dans mon pays au moins je mangeais trois fois par jour. Ici en Europe je mange une fois par jour. Voilà, c'est pas facile. J'ai checké au Maroc, j'ai checké en Libye. J'ai traversé le désert jusqu'à en Europe. Aujourd'hui, je croyais que j'ai voulu avoir une vie meilleure. Aujourd'hui, je suis dans un petit squat. On a sauté, on est sorti, tout est sorti, mais rien n'est pris dans ton esprit, ennemi de la vie, mais trop de i, c'est mon free. Le rap reçoit des concurrents, c'est ma compétence. Que le tout puissant nous met à l'avance, c'est ma préférence. Mène mon haut du soya, y'a diraï ma boy. MC Galadi ne joue pas de la délinquance. J'en ai marre de tes bavards barbares, ignares tes tards qui se mettent en retard comme des vieux canards. J'en ai marre de ces salopards qui crient comme des léopards. Je m'en mets à l'écart pour éviter d'être en retard. Soyo, soya, soya, soya, yangé ma noté de lit, berne ma baou le kiss. Flow cadeau, non pour les crapauds ni pour les griots, à Magento Negro, si on a comme ma Djofo. On squatte des théâtres, des banques, des commissariats, des châteaux. Dans le spectacle de la demande, c'est nous qui faisons le râteau. On bouleverse, puisque l'on déserte les rangs des royaumes en plastique au miroir qui nous font paraître grand. Il est connu que l'offre n'a rien à nous offrir. Maintenant est révolue l'époque où l'on paye pour se faire frire. On rouvre les portes closes, couvre les potes qui osent démonter les fils des barbelés que l'avenir nous pose. Tout est vanité, ouais ouais tout est vanité. Les hommes se font du mal en cru. Où est donc l'utilité en syncrétu? Pour un rien, pour du matos ou pour une chaîne. Le monde est plein de futilité, pas de sentiment d'égalité. Donc Nique sa mère, la solidarité solidaire. Quand vers mes mousquetaires, prends Jack Lana avec un solitaire. Je nique tes mères, parfois c'est la merde. Quand y'a Hadja, je me démette. Parle pas moi de galère, je connais la misère. L'en fait des uns, ce paradis des autres, petit pédage. Mais le mental est lourd, juge pas l'homme par les apparences. Négro, tu te gourres. Ma vision du monde, plutôt anarchiste. Je le vois sans frontières, sans cette putain de république remplie d'esprit matérialiste. Christ Aquari, ils font passer le fric avant l'Afrique. Immigré de mon plein gré, j'ai dû quitter le berceau de l'humanité à la quête des vanités. Obligé de se rabaisser au Morocco, j'ai su vécu de charité. Sous mon beau âge, j'ai médité. Eldorado dans ma tête. Toi j'ai tout quitté pour l'atteindre. Fallait que je fasse tes sacrifices sans ces frontières. J'ai risqué ma vie. Un atelier rap de plus, des prods et des tas de mots. Improviser un studio, cette fois dans un château. C'est pas qu'on roule sur l'or, c'est qu'on occupe les logements vides et qu'on refuse d'écouter ceux qui nous dictent comment vivre. Essayez toujours d'avancer dans les injustices quotidiennes, malgré cette boule au fond de la gorge qui ne fait que bloquer les mots qui viennent entre les flics et les faf. Dur de garder le mental dans ce monde qui tend à oublier que tous les êtres humains sont semblables.